Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les principaux titres. Le président du Burundi conseille aux banques commerciales la révision du taux d'intérêt exigé à l'endroit d'un demandeur de crédit. C'était ce vendredi lors de l'émission publique à Gitega. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Omanda vont bientôt reprendre. C'était lors du conseil des ministres tenu au cours de cette semaine. Des rapatriés burundais venus du camp d'Omahama qui étaient fonctionnaires de l'État demandent au gouvernement burundais la réintégration dans leurs fonctions. Voilà pour les titres. Vestinez vous toujours à la présentation, à la cabine technique et vous êtes avec Alphonse Kubuimana. Encore une fois, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, recommande aux banques commerciales de se ressaisir pour le taux d'intérêt qu'ils exigent pour la population qui demande des crédits. C'était ce vendredi lors de l'émission publique animée à partir de Gitega, la capitale politique. Quant à la commission chargée d'enquêter sur les cas des autorités de l'administration publique qui veulent détourner les fonds publics, le président de la République reconnaît l'apport de cette commission. Les précisions avec Moïse Misago. Parmi les questions posées au président de la République au cours de cette émission figure celle en rapport avec le taux d'intérêt élevé imposé par les banques commerciales à leurs clients. À cette dernière, le numéro 1 burundais trouve qu'il est nécessaire d'encourager la population à créer d'autres banques. Toutefois, le président Évariste Ndayishimiye se voit confiant que ces banques commerciales vont se ressaisir. Ces banques commerciales qui ne veulent pas changer de comportement, la population est riche, elle créera d'autres et voir la suite. Il faut encourager la population à créer leur propre banque car c'est possible. Pour éviter des problèmes pareils, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de créer des banques des jeunes, des femmes, des agriculteurs, pour trouver des facilités. Pour ceux, ces banques que l'État a déjà dénoncées, pourquoi ne veulent-elles pas se ressaisir? J'espère que, dans les jours à venir, ces banques commerciales vont se ressaisir. Je me suis déjà entretenu avec le président de l'association des banques. Je lui ai donné des conseils pour changer de tendance. Je suis confiant, la situation va bientôt changer. Quant à la commission ad hoc mise en place par le président Pierre Nkurunziza pour enquêter sur les autorités de l'administration publique en partance qui veulent détourner les deniers publics, le président Évariste Ndayishimiye reconnaît l'apport de cette commission. Cette commission a été mise en place et elle travaille. La première chose que j'ai faite, c'est de mettre à l'œuvre les autorités dans tout le pays. Pour le moment, il faut se mettre au travail. Je suis satisfait car son souhait de préparer le terrain pour nous a été atteint. C'est mieux d'avertir. Il y a des autorités qui voulaient le faire, mais ils ont changé d'avis. Je dis merci car je n'ai pas trouvé vide les deniers publics. Son avertissement a eu un impact positif. Pour le moment, on va s'y mettre. Le président de la République a indiqué que les boîtes à suggestions qui ont été mises en place sont fonctionnelles. Il ajoute en outre que certains responsables sont déjà arrêtés et de préciser que ces boîtes contribuent dans la lutte contre la fraude. Merci Moïse Misago. Reprise bientôt de la construction de la centrale hydroélectrique d'Omanda qui vont produire 10,2 MW. Le projet de la loi régissant ces travaux a été analysé lors du conseil des ministres qui a eu lieu au cours de cette semaine. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que ce projet avait été suspendu depuis 2017 à cause du manque de moyens financiers. Suivez-le. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique d'Omanda, d'une capacité de 10,2 MW, a été initié et lancé par le gouvernement du Burundi avec pour objectif d'augmenter la capacité d'énergie électrique du pays. Les travaux se sont arrêtés en 2017 suite aux contraintes budgétaires avec un taux d'avancement estimé à 40%. Suite à la non-poursuite des travaux qui a provoqué une dégradation, ce taux s'est détérioré et s'estime actuellement à 20%. Dans le souci de sauver ce projet, le gouvernement du Burundi a cherché un partenaire privé pour la reprise de ses travaux. Et c'est dans ce cadre qu'un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère en charge de l'énergie et la société Hydroneo East Africa en date du 7 décembre 2019. Il a été créé pour cela la société de projet Manda Hydropower en avril 2020. Le budget prévisionnel de Manda Hydropower est de 43,5 millions de dollars américains, incluant 5,5 millions de dollars d'arriérés liés aux anciens contrats de construction. Et l'apport de l'État sera de 10 millions de dollars américains. Le tarif par kilowattheure sera de 0,135 dollars américains pendant une période de 25 ans. Le Conseil a autorisé la poursuite du projet avec comme préalable de revoir la clé de répartition pour vérifier ce qu'est le contrat entre les parties et gagnant-gagnant, en s'assurant que l'apport de l'État, surtout en nature, eau, terrain, etc., a été bien prise en compte. Prévoir les frais d'amortissement pendant tout le temps d'exploitation. Chercher tous les contrats de sous-traitance qui ont été conclus en devise et chercher la traçabilité d'utilisation de ces dernières et sanctionner les fautifs conformément à la loi. Une personne a été tuée, une autre porte est disparue dans la nuit de ce vendredi sur la colline de Tondero, zone Rugazan, commune et Kabarole de la province de Kayanza. Selon des voisins de ces victimes, c'était aux environs de 19h30 dans une forte pluie, quand un groupe d'hommes armés a attaqué deux ménages de cette localité avant de retourner dans le parc de la Kibira d'où ils sont venus. Fait confirmé par l'administrateur communal de Kabarole, Berkimas Sagouye, qui déplore que cette attaque a eu lieu au moment où il n'y avait même pas deux semaines que le même incident s'était produit en commune Matongo de la même province, faisant état de 6 personnes mortes, 2 blessés et une autre portée disparue. Un homme du nom de Séverin, Nakumugiango de la colline Nebutwe, commune Chomba en province Karoussi, a été condamné le soir de ce vendredi d'une peine d'emprisonnement à perpétuité par le tribunal de grande instance de Karoussi. Cet homme est d'une trentaine d'années, est accusé d'assassinat d'une femme, mère de 4 enfants, dont le corps sans vie a été retrouvé le matin de dimanche passé. C'était lors de l'audience publique de ce vendredi en matière de procès de flagrance que la sentence a été prononcée et 5 personnes, dont un fils de la défunte qui comparaissait avec cet homme complice, ont été acquittées. Séverin Nakumugiango a affirmé avoir tué cette femme. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé, 3 minutes au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Les parents dont les enfants vivent avec handicap auditif disent faire face à un problème de communication avec ses enfants, surtout quand il s'agit des résultats scolaires. Propos du président de l'association des parents vivant avec handicap auditif, Salvatore Kabundegue, appelle le gouvernement à insérer le langage des signes dans les langues d'enseignement. C'est au moment où le 26 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des sourds. Suivez-le. Ses propos ont été recueillis par Émile Chagnon. Pour nous, la journée mondiale dédiée à la personne sourde, c'est une opportunité de sensibiliser le public, sensibiliser les autres parents à s'occuper suffisamment de l'encadrement de leurs enfants sourds. Et certains parents ont inscrit ces enfants à l'école, dans les écoles à éducation spécialisée comme à EFATA, ici où nous sommes, et au CESDA, Centre d'éducation spécialisée pour les déficients auditifs, à Gitega. Et ailleurs, à Louyikisa, une école a été ouverte dans la commune de Gissou par la communauté des Églises Emmanuel. Eh bien, l'association est née à partir des défis rencontrés par les parents d'enfants sourds. Certains parents ont inscrit ces enfants à l'école, dans ces écoles-là, mais n'avaient pas la chance ou la capacité d'encadrer ces enfants, de savoir quelles sont les chances, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés à l'école, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les résultats scolaires. Ainsi, ils se sont décidés d'apprendre la langue des signes comme langue de communication, qui devrait être une langue d'enseignement dans les écoles ordinaires aussi, pour pouvoir accueillir favorablement les enfants sourds. Vous réjouissez-vous de l'état actuel des choses? Y aurait-il à améliorer? Quelles seraient vos perspectives d'avenir? Oui, merci beaucoup. Les perspectives d'avenir dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants sourds, c'est que la langue des signes puisse être une des langues d'enseignement dans les écoles ordinaires. Comme ça, les enfants sourds seront accueillis dans une communication efficace au niveau de l'enseignement. Certains rapatriés burundais venus du camp d'Omahama au Rwanda signalent qu'ils ont été bien accueillis sur leur colline d'origine en province Kirundo. Ils apprécient l'initiative du HCR qui leur a donné des vivres de 3 mois, ce qui leur facilitera la survie. Ils demandent toutefois au gouvernement du Burundi la réintégration dans leurs fonctions pour ceux qui étaient fonctionnaires de l'État et à ceux qui sont restés au camp des réfugiés de retourner au pays natal et pour construire leur nation. Les détails avec Abraham Safari. Certains rapatriés récemment venus du camp d'Omahama au Rwanda signalent qu'ils ont été bien accueillis après leur arrivée au Burundi. Emmanuel Bizimana, un de ces rapatriés de la commune de Bugabira, nous a fait savoir qu'ils ont été acheminés au camp de transit de Songoré en Ngozi et là, ils ont bénéficié des vivres de la part de HCR pour chaque famille. On nous a donné des vivres qui vont nous aider pour 3 mois. Et à côté de ces biens, on nous a donné aussi de l'argent. 54 000 par tête pour les adultes. Arrivé sur la colline, Emmanuel Bizimana nous a confirmé qu'ils ont été bien accueillis par les administratifs à la base, ce que témoigne également Romuald Ndaikengrutse de la colline de Mukenge en commune de Bwambarangwe. Quant à leurs biens, ils signalent qu'ils les ont trouvés à l'état normal, sauf leurs maisons qui sont peu abîmées ou détruites suite à cette longue période d'absence. Romuald Ndaikengrutse ainsi que Emmanuel Bizimana demandent au gouvernement du Burundi la réintégration dans leurs fonctions d'enseignants. Nous demandons au gouvernement, comme on nous a intégrés dans la vie sociale, nous voulons qu'on puisse intégrer aux activités et aux services de la nation pour que nous puissions construire la nation avec les autres fonctionnaires. Et il lance un appel à ceux qui sont encore au camp de réfugiés de Mahama de rentrer au pays. Certains administratifs signalent également que la population était déjà préparée à l'accueil chaleureux envers leurs frères et disent que quand il y a des problèmes qui surgissent pour se rapatrier, ils sont là pour chercher solution. Même leurs voisins des collines affirment que ceux qui ont trouvé leur maison détruite ou abîmée, ils les hébergeaient avant qu'ils regagnent leur propre maison. Signalons que les rapatriés déjà rentrés du Rwanda s'estiment autour de 2000, puis 2500 sont venus du camp d'Omahama. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safa. Les employés sont appelés à prendre toutes les mesures possibles afin de préserver les lieux de travail de la propagation de la pandémie de coronavirus. Selon la nature du travail, Gaspard Nzisabira, secrétaire général de l'Association des employeurs du Burundi, AIB en sigle, qui lance cet appel, indique que cela va être bénéfique pour l'employé tout comme l'employeur. Et certains employeurs des provinces Burulimakamba, Rumonge et Bujumbura, qui s'étaient réunis ce vendredi à Rumonge, signalent qu'il y a des mesures difficiles à appliquer dans certains lieux de travail, comme la distanciation d'un mètre entre employés. Jean-Pierre Misago. À côté du secteur de la pêche où la distanciation d'au moins un mètre exigée dans la prévention contre la propagation du coronavirus est pratiquement impossible à observer, d'autres lieux de travail et de rassemblement comme l'école, les bus de transport en commun, les églises sont citées parmi les lieux où le respect de la distanciation est quasi impossible, selon un des participants dans cette rencontre de Rumonge ce vendredi. Pour Gaspard Nzisabira, secrétaire général de l'Association des employeurs du Burundi AEB en sigle, là où le respect de la distanciation est impossible, d'autres mesures barrières à la propagation du COVID-19 doivent être observées. Là où c'est pas possible, ils devront réfléchir sur d'autres moyens, notamment le port du masque, la disponibilisation des gels alcooliques pour se nettoyer les mains, ou le savon et l'eau, ou sentir qu'ils auront besoin de faire des examens fréquemment pour surveiller si leurs lieux de travail ont été contaminés ou pas. Actuellement, l'AEB s'attelle à la sensibilisation de tous les employeurs que chacun d'entre eux doit prendre le devant dans la gestion des lieux de travail en période de COVID-19, indique Gaspard Nzisabira. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Match éliminatoire de basketball de la Coupe est baptisé les Héros ce week-end en province Gitega. Côté féminin, Messager Ngozi joue contre Gitega Bulls. Chez les garçons, toujours Messager Ngozi croise le fer avec Yanga Girls de la capitale politique. Pour le premier match et le second match, Imbeya toujours de Gitega joue contre Target Namenwa Dongozi. Tous ces matchs se déroulent ce samedi à Gitega. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouguimana pour sa collaboration technique. Festile Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Après, ce sera la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Son premier jour, pour quel bilan s'interroge le journal Iwachu en une de sa parution de ce vendredi 25 septembre 2020, qui coïncidait aux 100 jours du président Ndayishimiye au pouvoir. Très scruté, développe son confrère dans son éditorial. Cette période aura permis à certains analystes de s'interroger si le locataire du palais Narerushatsi, pendant tout un septennat, a déjà imprimé son style, sa marque, a insufflé un nouvel élan. Pour son confrère, les Burundais attendent avec impatience la réalisation des promesses faites lors de son investiture. Iwachu rappelle quelques-unes. S'attaquer à la corruption, lutter contre la pandémie de Covid-19, assainir les finances publiques, relancer la diplomatie, résorber le chômage, surtout des jeunes. Un bilan mitigé d'après les réactions recueillies par cet hebdomadaire. En effet, selon le secrétaire général de l'UPRONA, Olivier Nkurunziza, les intentions sont bonnes. Il y a une volonté de renforcement d'une gouvernance démocratique, analyse de sa part, Kefani Wizi, président du parti Savanya Frodebu Nyakuri, mais le porte-parole du parti Savanya Frodebu, Fenia Senigaba, est d'avis contraire. D'après Abdul Kassim, président du parti PD Zigamiwanga, toujours dans les colonnes du journal Iwachu, le président Evariste Ndayishimiye mérite 75%. Et pour Venant Buriku, qui est représentant légal de CAPES Plus, la gouvernance qu'il faut est déjà là. Enfin, rapporte toujours Iwachu, pour Gabriel Ruftiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, le président doit se dépouiller de tous ces corrompus qui rôdent tout autour de lui. Le journal en ligne Net Press revient sur le discours du président de la République, un discours envoyé aux Nations Unies, comme les autres chefs d'État, pandémie du Covid-19 oblige. C'était à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre confrère souligne la demande de voir le Burundi retiré de l'agenda du Conseil de sécurité, demande faite par différentes autorités burundaises depuis 4 ans, mais sans succès. Des écueils dans la relation entre les syndicats des enseignants et le gouvernement, s'indigne la voix de l'enseignant, qui rapporte les points de divergence entre ces deux partenaires de l'éducation, tels que dévoilés lors d'une conférence de presse ce jeudi 24 septembre 2020 par sept syndicats regroupés au sein de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA en sigle. Il s'agit notamment de la violation par le ministère de tutelle de la Convention sur la gestion du redéploiement, de la mise en place de la politique salariale au point mort, ainsi que des ingérences qui portent atteinte à la crédibilité des syndicats. Cet hebdomadaire de l'éducation souligne enfin le souhait des leaders de ces syndicats qui, pour vider ces différends, demandent un dialogue social et le strict respect de la loi en ce qui concerne le respect du droit syndical et son exercice. Revue de la presse. En découdre avec la mendicité, un travail de longue haleine au regard de différentes formes que recouvre ce phénomène, selon Burundi Echo. Des enfants victimes des parents qui ont décliné leurs responsabilités, puisque ne pouvant pas assurer la charge de leur descendance, les confient à la rue. Des mères errantes avec leurs enfants rôdent d'un carrefour à un autre, dans les quartiers de porte en porte, toujours en groupe, avec une horde d'enfants, ces femmes ont fait de la mendicité une activité fondamentale. Et notre confrère de conclure cette description, non sans regret, en montrant que le problème majeur demeure le fait que les populations ne saisissent pas l'enjeu du phénomène et les dommages qu'il cause à la société. L'agence burundaise de presse nous fait part de certains échanges qui ont eu lieu lors d'un atelier organisé jeudi 24 septembre au chef-lieu de la province Kayanza par l'ombudsman burundais pour sensibiliser les responsables de la police au niveau déconcentré sur leur rôle de prévention des conflits et leur devoir à la protection de la population. D'après donc l'ABP, Edouard Nduimana a rappelé que la police de proximité ne signifie pas une police de familiarité, qu'ils doivent donc être conscients qu'ils ont un grand rôle dans la prévention des conflits et la protection de la population. Notre confrère note également la remarque du médiateur national à l'endroit des agents de police, à savoir qu'ils doivent donc éviter certaines pratiques dont la corruption, l'ivresse et la débauche qui conduisent la population à les dénigrer. Le Centre pour le développement des entreprises dans la région des Grands Lacs, en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements, dans leur campagne Kanguka, analysait ce vendredi l'impact de la COVID-19 sur le secteur privé au Burundi, rapporte notre confrère en ligne, La Nova, qui précise que l'objectif de cet atelier était non seulement d'explorer les restrictions réglementaires sur la libre entreprise et sur la politique publique de santé à long terme, mais aussi de montrer les conséquences de ces restrictions et de proposer des pistes d'adoption de réformes innovantes par les décideurs burundais. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.